soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, autour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce mardi 12 novembre 2024, bienvenue dans ce programme des mots des sons sensibles. En ce mardi, premier de cette semaine pour ces mots et sons sensibles après un week-end prolongé et jour férié en ce 11 novembre. Retour donc de l'actualité politique, sociale et culturelle en ce mardi. Deux rendez-vous au menu cette semaine, autant vous dire que les programmes vont être chargés. L'actualité politique, sociale et culturelle, l'actualité écologique essentiellement même aujourd'hui. Au programme avec un focus fait sur le tatou juste 19e du nom qui va s'ouvrir très prochainement. Ce sera la fin de ce mois de novembre, les 23 et 24 novembre. À cette occasion, nous accueillons Raphaël. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le 895 de Dio, coordinatrice de Tatou juste, ce rendez-vous de la transition écologique. Est-ce qu'on a le droit de dire salon encore en 2024? Oui, bien sûr. Oui. Le salon Tatou juste depuis 19 ans donc maintenant avec une première édition, c'était dans la plaine du Forêt. En 2005, absolument. Et puis désormais, Parc Expo. Parc Expo depuis 2010, ouais. Voilà. Donc ça commence à faire. Comment, puisqu'on est déjà bien avancé dans ce mois de novembre et quasiment là à quelques jours d'ouverture, comment le tatou juste se porte justement? Ah, il se porte bien. Ben là, maintenant, on n'a qu'une hâte, c'est d'y être. On a fini, on est encore dans les derniers préparatifs. C'est des mois qui sont très chargés pour nous, mais on a hâte d'y être. Non, c'est la semaine prochaine et vivement d'accueillir tous nos exposants et nos visiteurs. Oui, alors toujours bien sûr des exposants nombreux. Hein. C'est quasi 250 exposants, exposantes. On est un petit peu moins. On est sur 234. Oui, mais enfin voilà. Exactement. On est quand même sur un volume important d'artisans, producteurs, productrices, d'associations locales. Tout à fait. Et puis des échanges, animations nombreuses qui sont proposées également. Bref, on va avoir ensemble, Raphaël, l'occasion de faire le point et de décliner l'ensemble de cette édition. Avec plaisir. 2024. On te retrouve également en ouverture de ce programme par quelques infos que je vais devoir aussi annoncer, diffuser et peut-être pourquoi pas être associé en ce qui te concerne sur des rendez-vous prochains autour de cette question de l'écologie. Et puis de la musique, bien entendu, de l'actualité musicale, discographique, concerts et plus dans ce programme des mots des sons sensibles qui s'ouvre comme à notre habitude avec nos découvertes partenariats Ferrarock, notre fédération nationale des radios associatives rock de France qui vous propose toujours double artiste, album soutenu chaque semaine. Alors deux propositions bien entendu pour cette nouvelle semaine de ce, on va dire là, semaine du 12 novembre avec le nouvel album de Bon Enfant, Demande spécial, un album qui est sorti mi-octobre dernier chez le label Du Prince. Et je vous propose de nous vous arrêter sur cette autre proposition. Il s'agit du nouvel album de Eggs, Les œufs, avec cet album intitulé Crafted Achievement, qui est sorti là en ce début de mois de novembre chez et via un label qu'on apprécie particulièrement sur cette antenne qui est Howling Banana Records. Alors, c'est un groupe qui a déjà un premier album à son actif depuis 2 ans maintenant. C'est donc le deuxième véritable album pour un projet qui est sans cesse en évolution, à géométrie plus ou moins variable. Ils ont pu être 4 en quatuor. Désormais, ils sont 7, 8, 9, 10, voire même encore plus. En tout cas, on les compte à 10 crédités sur cet album, Crafted Achievement. 10 musiciens pour ce projet emmené par Charles Dano, qui est rejoint par Grégoire Bayard à la guitare. C'est une formation, je le disais, à géométrie variable et surtout qui associe des musiciens, musiciennes qui évoluent également dans d'autres projets. C'est le cas de Margot Beauchaudon, Camille Fréchou au chœur, saxophone, trompette, Rémi Studer. Bref, ils sont nombreux, je le disais, nombreux et nombreuses. C'est dans un registre, on va dire, aller plutôt pop. Vous allez vous en faire une véritable idée à l'écoute donc d'un extrait de cet album Crafted Achievement des Eggs, sorti chez Alling Banana Records. Je vous propose le titre Head in Flames, parfait pour débuter en plutôt bonne humeur ce programme Démo des sons sensibles. C'est parti. Et voilà pour ce Head in Flames signé eh bien de cette formation-là, Eggs, de cet album Crafted Achievement, deuxième album du groupe qui, selon Charles, un des fondateurs ou cofondateurs de ce projet, en n'assumant sa connerie, disait qu'il s'agissait peut-être bien d'indices de la maturité pour un deuxième album. Il n'y croyait pas vraiment à sortir un deuxième opus, mais c'est finalement chose faite, une version amélioré selon lui, selon eux, avec pour principal argument eh bien les arrangements. Voilà, des arrangements qui laissent chaque instrument, vous l'avez entendu là aussi, à la trompette, lap steel, voilà, véritablement leur place de façon assez équitable. Voilà pour ce projet en partenariat Ferrarock cette semaine. Je le disais, sorti en ce début de mois de novembre chez Alling Banana Records. Vous en saurez davantage en vous rendant sur le site dédié ferrarock.org ou en écoutant le programme Dig Dig Diggers, bien sûr, programme mutualisé et collectif qu'on vous propose chaque semaine, avec précisément eh bien, Yann de Canal B qui allait à la rencontre de Eggs pour un module interview écoute. L'autre proposition, Bon Enfant et l'album Demande Spéciale, a fait l'objet d'une rencontre auprès de Aurélie Fréquence Mutine pour un autre module découverte album, et enfin un module carte blanche encore par Romain de PFM autour de Basta. C'est tout le programme de Dig Dig Diggers prévu ce vendredi 12h-19h et lundi en matinale dès 8h. Démo des sons sensibles qui s'ouvre avec quelques infos à vous faire part, et Raphaël, coordinatrice de Tatou Juste, est avec nous et je laisse le micro ouvert. Raphaël, si tu souhaites intervenir à un moment ou un autre, tu n'hésites pas. Ça marche. Peut-être as-tu eu écho comme quoi la Maison Solidaire prenait fin à Saint-Étienne. C'est la fin d'une aventure après de nombreuses années d'existence et d'activité et d'activisme, je dirais même, et de combat acharné à Saint-Étienne. Cela faisait quasi une décennie. Le triste constat est que finalement les politiques menées n'amélioreront peu ou pas les choses. En tout cas, c'est le constat véritablement qui est fait. Et la Maison Solidaire a décidé de cesser ses activités. Donc une forcément annonce difficile et une fin certes que l'on aurait souhaité plus heureuse. Néanmoins, j'ai fait part du communiqué il y a quelques jours lorsque la Maison Solidaire a annoncé en effet cette fin prévue pour l'été 2025. Il y a encore une année de transition et puis surtout accompagner encore ceux, celles qui sont précisément concernés et les préparer à leur absence prochaine. En tout cas, c'était aussi l'occasion de rappeler ce rassemblement qui aura lieu ce mercredi 13 novembre. C'est un rassemblement pour la mise à l'abri de tous et toutes. Ce mercredi, en effet, de 16h à 18h, sont les associations et collectifs d'hébergement qui appellent à se rassembler devant la préfecture, place Jean Jaurès à Saint-Étienne, pour exiger donc la mise à l'abri de toutes les personnes en demande d'hébergement d'urgence. Le constat est toujours aussi le même, hein, finalement, c'est que bon nombre de personnes ne bénéficient pas finalement de ce droit fondamental qu'est l'hébergement, et l'hébergement d'urgence en l'occurrence. Ce sont des centaines de personnes qui appellent chaque semaine le 115, service saturé, et ce sont bien souvent des associations qui eh bien, doivent assurer aussi le rôle que devrait précisément assurer aussi finalement le droit et les autorités. Alors les associations se mobilise. On sait que précisément Solidarité Rome n'existe plus, la Maison Solidaire donc n'accueillera plus de nouvelles personnes et a acté donc cette fermeture définitive pour juillet 2025. Mais les associations continuent de se mobiliser et d'héberger des centaines de personnes grâce aux dons privés à Saint-Étienne. Et les expulsions s'accélèrent à l'approche de la trêve hivernale. La préfecture qui prépare en effet son plan hiver. Donc l'intention, bien sûr, est de se mobiliser et de tenter de trouver des solutions à nouveau avec donc associations, collectifs, bénévoles. Vous pouvez donc vous rendre sur place pour ce temps de rassemblement, certes, mais de prise de parole aussi, d'animation, qui est prévu ce 13 novembre de 16h à 18h, place Jean Jaurès à Saint-Étienne. Quelques informations et actualités encore cette semaine. Alors peut-être là aussi, Raphaël, es-tu au courant de ces rendez-vous autour de l'eau Oui, bien sûr. Plusieurs propositions cette semaine. Est-ce que tu as eu écho de ce travail autour du Furan ? Héritage d'une rivière industrialisée, découvrir le Furan, c'est un colloque et une expo. Eh bien, je ne suis pas au courant, ça doit être très très intéressant. Eh bien alors, du coup, je t'annonce cela, ça se passe du côté de l'école d'architecture de Saint-Étienne, qui est plutôt à l'initiative de ce rendez-vous, avec les archives municipales de Saint-Étienne qui sont associées. Une exposition qui met en perspective les photographies contemporaines de Pierre Suchet et de Jonathan Tichit, avec des documents d'archives inédits qui révèlent les différents aspects du Furan. En remontant à la fois le fil de l'eau et le cours du temps, cette exposition donc tente de donner à voir et à lire la complexité des enjeux soulevés par une rivière, en partie couverte aujourd'hui, mais qui, loin d'être pour autant refoulée, entre de plein droit dans le paysage réel et symbolique stéphanois. Une exposition dont le vernissage a lieu ce 14 novembre à partir de 17h et qui va être visible jusqu'au 15 décembre prochain, donc à l'école d'architecture de Saint-Étienne dans la salle d'exposition. Et tout cela associé avec un colloque qui va se dérouler à la fois entre Saint-Étienne et Lyon, mais qui a aussi une ambition, je dirais, internationale, le photographe et l'eau. C'est précisément ce colloque donc, qui est organisé sous l'égide de différents établissements, l'ANSAS bien entendu, mais d'autres revues et laboratoires de recherche. Alors, le 14 novembre, ça se passera à l'auditorium de l'école d'architecture, rue Buisson à Saint-Étienne, quartier Jacquard. Et le 15 novembre, le colloque aura lieu à l'amphithéâtre de la Milk à Lyon. Voilà, deux rendez-vous donc pour ce colloque, mais surtout cette exposition donc, que je voulais rappeler, visible à partir de ce 14 novembre jusqu'au 15 décembre prochain. Voilà, découvrir le Furan, héritage d'une rivière industrialisée. Et l'eau, justement, sera encore à l'honneur avec ce forum départemental. Alors là, Raphaël, par contre, celui-ci, tu en es informé. Parce que je crois que là aussi, à la fois les organisateurs, co-organisateurs de cet événement seront présents. Absolument, oui. Sur Tatou Juste. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Ben, du coup, oui, absolument, ils seront présents. L'eau a toujours fait partie des grands sujets sur le salon Tatou Juste. L'année dernière, on avait organisé une table ronde pour essayer de comprendre est-ce qu'il fallait que l'eau devienne un bien commun, comment il fallait que l'eau soit gérée. C'est des gros sujets d'actualité. Alors souvent, on parlait de la sécheresse. Aujourd'hui, ben, malheureusement, avec l'actualité, on parle des inondations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Mais je te laisse présenter... Le forum qui aura lieu. Et oui, le collectif Partage Eau et surtout les Amis du Treuil. C'est les Amis du Treuil, oui. Qui vont être présents sur Tatou Juste et qui suivent attentivement cette question de l'eau comme bien commun, comme sujet citoyen et qui réfléchit à la fois à son usage, à ses usages, aux besoins, aux constats et qui organise la deuxième édition d'un forum autour de cette question, Partage Eau, donc partager ce bien commun précisément. Et ce forum aura lieu ce 16 novembre. Voilà, c'est un partenariat Radio Dio également, ce samedi. Radio Dio et Radio Andenne, d'ailleurs les deux radios en Loire-Sud, qui également suivent attentivement et sont partenaires de Tatou Juste, qui également seront présents sur ce forum départemental. Ça se passe ce 16 novembre de 8h à 17h30 à Saint-Galmier, salle Vincennes de l'Hippodrome. C'est un événement gratuit. Donc ouverture à partir de 8h30 et puis différents focus... Et donc table ronde, échange prévu sur cette question de l'eau. On a très largement abordé le programme en recevant le collectif Partageau ici sur cette antenne semaine dernière et que vous retrouvez d'ailleurs en podcast via notre site internet www.radiodio.org. Et puis justement, on va terminer avec quelques infos tout à fait en lien avec la problématique de l'écologie qu'aborde Tatou Juste, Raphaël, avec d'autres rendez-vous, projections, débats. Alors je crois que pour certains de ces rendez-vous, tu as précisément pu déjà visionner les films documentaires. Alors il y a par exemple... le film Alliance Terrestre, enfin la soirée, enfin si c'est le film, c'est le titre du documentaire pour cette soirée intitulée Les luttes, c'est classe. Ce vendredi 15 novembre, c'est au Méliès Saint-François, peut-être 20h30, en présence de la réalisatrice Isabelle Helvoet et des membres du collectif La Lutte des Sucs. Alors je crois que La Lutte des Sucs est présente sur Tatou. Cette année, oui, ils ont un stand sur le salon, absolument. Alors, on les a déjà reçus à plusieurs reprises. Ouais. Oui, et puis ils avaient fait aussi l'objet, enfin, ils avaient été invités en tout cas autour de table ronde sur la question de ce contournement enfin, de la RN 88. Est-ce que cette année, ils sont présents via stand, en juste forme animation? Non, ouais, juste okay. Un stand informatif sur le salon, ce qui est déjà largement bien. Et oui, la lutte des sucs qui est toujours d'actualité, oui. Parce que tout d'abord, le combat continue. Je crois qu'il y a plusieurs rencontres autour de ce film Alliance Terrestre. Je crois qu'ils sont au Puy-en-Velay ce 14 novembre, au Méliès Saint-François donc ce 15 novembre. Et puis je sais qu'ils sont, pour certains militants, convoqués en tribunal correctionnel. Ce sera au tribunal du Puy le 14 janvier prochain. Il y a eu un report. Je ne sais plus combien ils sont, mais en tout cas, voilà. Ouais, il y a une procédure en cours. Il y a une procédure en cours pour cette lutte des sucs qui reste d'actualité. Et donc, associée autour et au travers de ce film Alliance Terrestre qui aborde une lutte locale autre, celle d'un projet d'autoroute qu'on a connu aussi ici via la 45, mais qui là est la 69, qui aussi fait l'objet de fortes mobilisations actuellement, qui prévoit de relier Castres à Toulouse. Donc voilà, projection autour de ce film et rencontre avec la lutte des sucs ce vendredi 15 novembre à partir de 20h30. Et puis, une autre soirée, alors là on se projette déjà sur début semaine prochaine, mais autant l'aborder de suite parce que d'abord actuellement se déroule le Festival du cinéma solidaire du Pila. J'imagine aussi que le Tatou Juste est très attentif aussi à cette programmation et à ce parc naturel voisin, qui sont présents d'ailleurs pour le PNR. Alors, là aussi, c'est un film, je crois que tu as vu, Raphaël, c'est Ikea, le seigneur des forêts. Absolument, oui. Et ben voilà, ça remet un petit peu dans son contexte cette grande marque de distribution qui est connue de tout le monde et qui malheureusement fait aussi beaucoup de dégâts en parallèle. Donc voilà, c'est un film qui est très intéressant et je vous le conseille vivement, ne serait-ce pour se tenir informé de ce qui se passe, comment les meubles sont construits. Et alors, ce film sera projeté ce mardi 19 novembre prochain au Méliès Saint-François à 20h30. Donc, film de Xavier Deleu et Marianne Kefrieden. Et alors, c'est une projection qui intervient également dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Absolument. Et donc, ce festival de cinéma solidaire du Pila dont je parlais tout à l'heure. Donc, en partenariat avec d'autres associations. Mmh. Là aussi, j'imagine que vous connaissez bien à Tatou Juste, puisqu'il y a Zéro Déchet 42, Artisans du Monde et Les Amis de la Terre. Mmh. Alors, elles seront justement ces associations présentes justement ou pas cette année? Pas cette année, malheureusement. Les associations peinent des moments à venir sur les salons. Questions financières, questions de bénévoles aussi pour tenir les centres. C'est pas évident d'être présent chaque année. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on les soutient, on les connaît bien. En tout cas, voilà, c'est au moins l'occasion de les retrouver donc le 19 novembre prochain en présence de Luc Châtel, président des Amis de la Terre, d'Adam Gibaud qu'on a connu et qui avait été aussi invité à Tatou Juste lors d'une table ronde sur la question de la forêt et de la gestion forestière. Bah, précisément, il est chargé de mission forêt du parc du Pila et des membres également de l'association Zéro Déchet donc, qui seront présents pour animer sur cette question autour de la forêt, autour de la gestion de la forêt mais du bois aussi, le bois local. Voilà, une vaste question au travers de ce film documentaire donc le 19 novembre prochain. On va évoquer d'autres rendez-vous, et notamment un rendez-vous projection-débat également dans le cadre de Tatou Juste, et de ce rendez-vous de la transition écologique, bien sûr, des 23 et 24 novembre prochains, après une nouvelle petite proposition musicale. Et je vous propose de nous arrêter sur les Oreilles en Pointe. Je ne sais pas si Raphaël, tu suis cet événement. C'est un festival qui a démarré la semaine dernière, le 6 novembre, qui va se boucler cette fin de semaine, ce samedi 16 novembre. Les Oreilles en Pointe, c'est de la chanson, essentiellement chanson française, mais déclinée aussi de façon pop et rock. J'en prends pour exemple Dionysos, par exemple, le groupe du département de voisins, quand même, qui est invité ce 15 novembre à Firmini au Firmament. Ce sont des découvertes aussi, c'est le cas avec Yaros, et Flora Luna qui vont se produire le 14 novembre au Fil. Les Lojo qui ont sorti un album il y a quelques semaines de cela, qui vont se produire avec Solenia à Fraisse, salle d'Orient, ce 16 novembre en soirée de clôture du festival. Et puis, une nouvelle proposition cette semaine après les concerts du week-end. Très belle prestation d'ailleurs de Raffu et Clume ce dimanche à Monistrol sur Loire. Dans l'Ondaine toujours, puisque c'est la base principale de ce festival des Orients Pointe, au Chambon-Feugerolles à La Forge, ce mercredi 13 novembre, il y a l'artiste Ayo qui est de retour, mais surtout le duo Malaka, qui est une formation qui nous vient du nord du département. Donc on va défendre aussi ce projet local dont je vous ai très largement parlé sur cette antenne, puisque nous les avions rencontrés cet été lors du Forestival, et donc je vous ai diffusé l'interview réalisée auprès des deux frangines qui forment ce duo Malaka dans un registre plutôt folk soul. Clôture en cette année 2024 leur grande tournée de cette année. C'est plus de 80 dates qu'elles ont tournées et jouées cette année, dans de nombreux lieux hein, bien sûr, et de nombreux festivals, notamment cet été. Et donc elles auront l'occasion de boucler leur tournée le 20 novembre, en ce mois de novembre. Ce sera notamment au festival Avec la Langue, et puis le 11 décembre à Paris encore avec ce fameux concert attendu à la Boule Noire avec la Café Terra Rora. Mais donc auparavant, Malaka aura l'occasion de se produire et de se... jouer sur la scène de La Forge au Chambon-Feugerolles ce mercredi 13 novembre à 20h30. On en profite pour écouter un petit titre live justement de Malaka. Petite live session avec le titre Aouk que je vous propose de découvrir ou redécouvrir sur le 895 de Dieu. Tu cries sans cesse à la vie de rêve, mais celle des autres t'occupe plus que la tienne. Cherche l'erreur dans leur comportement comme si les tiens étaient déjà blancs. Pensez à où mettre mon sous-côté, un pied devant l'autre ou derrière moi. Pensez à où mettre mon sous-côté, un pied devant l'autre. Derrière moi, tes courbes dansent en silence. Les regards, les paroles t'influencent. Quand le juge change de bord, oui, quand les jugements touchent ton corps. Ceux qui font des reproches parlent d'eux-mêmes. Si je dis que je méprise les gens qui veulent dormir, me suivent le cortège de la fête. Les mêmes qui n'affirment jamais leur avis tranché net et s'enfoncent peu à peu dans le confort céleste. Et développent des peurs que les autres ont fait naître. Qui regardent les opportunités passer comme à deux, moitié nus. Du canapé, jamais rien tenter, puis traîner les regrets jusque dans les cendres, jusque dans la forêt. Ceux qui tombent amoureux à longueur de temps, les pleurs rendent les débats culpabilisants. Ceux qui lèvent le poing assis, observent la manie, lisent des livres stériles, aucune notion de style, remercie qu'on les aime, évite l'amour par flemme. C'est qu'au fond je me méprise moi-même. Pensez à m'aimer sous côté, en pied devant. Parle trop, toutes les réponses se lisent entre les mots. Si ou pas comprendre ça, on voulait dire ou laisser ce monde la vie. Pensez à où, pensez à où, pensez à où. Et voilà, c'était donc le duo Malaka sur le 895 de Dio. Très bon duo qui... La transition est toute faite, Raphaël, pour parler de Tatou Juste, parce que les frangines, le duo, évoquent tout à fait la question des racines, à la fois racines de nos vies, de leur vie. mais également les racines de la mangrove qui a complètement inspiré aussi de par aussi leurs origines, mais aussi le propos finalement de ce premier EP, un mini-album qu'elles avaient sorti en début d'année, en février 2024. Et je le disais, de nombreuses dates en cette année 2024 qui va se tourner et se boucler plutôt pour cette tournée, donc du côté de Paris avec la Boule Noire notamment, un peu en salle référente, on va dire, pour le duo qui nous vient de la région rouennaise, super du nord du département. Ouais. Très très beau pour Malaka. Donc en concert ce 13 novembre à La Forge avec Ayo en première partie pour ce festival des Oreillons Pointe qui se termine, je le disais, cette fin de semaine. Raphaël, deuxième partie de programme, dernière ligne droite de ces mots et sons sensibles pour évoquer donc l'actualité écologique. Avec, alors pour là aussi on aurait pu l'évoquer, ouverture de la COP 29 hier matin, une du de côté plus. De Bakou, Azerbaïdjan. Là aussi, paradoxe ou non, en tout cas ça interroge tout de même. Ah, il y a de quoi s'interroger. Finalement, vous intervenez quasi à cette même période, mais la COP n'est jamais véritablement abordée. Non. Ce serait peut-être l'occasion... Nous y réfléchirons. Pourquoi pas? Pourquoi pas, il faut... Non, mais bien sûr, toutes bonnes idées seront à explorer. Mais après, voilà, il y a tellement de sujets aussi à développer sur le salon. C'est un salon qui ne dure que 2 jours. On aimerait pouvoir faire énormément de tables rondes et de conférences sur... Il y a tellement de thématiques qu'on aimerait aborder. Donc voilà, le choix est souvent difficile. Et non, effectivement, on ne parle pas forcément de la COP. Mais vous abordez bien d'autres sujets et ils sont très nombreux. Alors, petit rappel avant de rentrer un petit peu dans ce programme. C'est la 19e édition, vous fêterez la 20e l'année prochaine. Donc ça se tient au Parc Expo à Saint-Étienne, c'est 23 et 24 novembre prochain. Le festival n'a pas toujours été stéphanois, enfin le festival Le Salon, je veux dire, n'a pas toujours été stéphanois. Il a démarré du côté de la Plaine du Forêt. Saint-Just-Saint-Rambert. Dans un registre qui n'était pas que l'écologie finalement, c'était avant tout la question, il me semble, pour un peu mémoire, du commerce équitable qui était surtout à l'honneur. C'est absolument ça. Vraiment, la première journée, parce que ça a été une journée tout d'abord, ça a été autour du commerce équitable. C'était vraiment la thématique. Et en l'organisant, le salon a très bien fonctionné dès le départ. Il est arrivé après au centre des congrès sur Saint-Étienne en 2009 et il a très vite pris des proportions importantes parce que beaucoup de choses qui se passaient sur le territoire, beaucoup de sujets abordés. Donc là, effectivement, le salon s'est développé et a créé nos différents pôles thématiques qui font la richesse du salon aujourd'hui. Et alors, c'est ta première ici à la radio. On a eu l'habitude de retrouver d'autres coordinatrices puisqu'il y a eu passage de témoins au sein de l'équipe. Quelques petits changements, donc c'est un peu nouveau, mais pas complètement. Peut-être tu peux revenir sur ton parcours, en tout cas en ce qui concerne ton aussi lien rapport à Tatou Juste. Oui, pas de souci. Oui, effectivement, tu avais l'habitude de recevoir Lucie, qui était l'emblématique coordinatrice durant 10 ans à Tatou Juste, du coup qui a passé le relais cette année. Qui vogue vers d'autres engagements aujourd'hui. Et on la salue si elle nous écoute. Ouais, avec plaisir. Mais du coup, effectivement, moi j'ai commencé en tant que bénévole à Tatou Juste il y a plusieurs années, qui s'est très vite transformée en coprésidence. Je suis rentrée au sein du bureau parce que c'était vraiment un salon qui me tenait à cœur et j'avais envie de m'investir. Dans les associations stéphanoises, et ça correspondait tout à fait à ce que je recherchais à cette époque-là. Et il y a quelques années, ça va faire maintenant 4 ans, que je suis rentrée en tant que salariée. Donc j'ai quitté la coprésidence et je suis devenue salariée en binôme avec Lucie. Et cette année, donc Lucie étant partie, nous avons recruté une autre personne qui s'appelle Émilie, qui m'a rejoint au mois de mai et avec qui nous avons préparé cette édition avec grand plaisir. Donc vous êtes 2 salariés aujourd'hui à temps partiel, accompagnés de nombreux et nombreuses bénévoles. Oui. Et votre mission principale est celle d'organiser l'organisation du salon. Absolument. L'organisation du salon qui se passe en... Donc on travaille toute l'année, bien entendu, parce qu'un salon, c'est assez lourd à organiser. Et on a différentes phases dans cette organisation, la sélection des exposants, la réflexion autour des thématiques que l'on veut aborder, les conférences, les tables rondes à organiser, tout ça, ça demande énormément de travail en amont. Oui. Eh ben oui, bien sûr, c'est un travail au long cours. Ouais. Alors... Depuis ces années d'expérience, finalement, ta position est un peu différente désormais. Mm-hmm. Mais comment tu as à la fois comment tu as apprécié l'évolution, on va dire, de ce salon, et comment toi aujourd'hui, en étant la principale organisatrice ou co-organisatrice, en tout cas salariée référente en la matière, hein, tout de même, tu as envie de, je ne sais pas, peut-être de défendre un petit peu ce salon. Est-ce que tu es dans un souci simplement de pérennité et de continuité, ou est-ce que tu arrives avec un petit peu de nouvelles façons d'envisager la chose, Alors, force de proposition autre. On va dire qu'on reste quand même dans la continuité. C'est un salon qui fonctionne et qui a toute son utilité sur le bassin stéphanois. Donc, on ne va pas révolutionner les choses. Nos exposants attendent cet événement chaque année avec impatience. C'est pour eux aussi un moment important. Pour certains, la réalisation d'un chiffre d'affaires également important. Donc voilà, il faut rester quand même dans la continuité. Mais effectivement, l'actualité nous pousse aussi à vouloir faire d'autres choses, mais c'est des choses qui se travaillent sur plusieurs années. Donc, pour l'instant, rien de nouveau à tout juste. On reste sur le même fil conducteur. En tout cas, on verra dans les années futures pour quelques petits changements ou améliorations. Alors, toi, qu'est-ce qui fait que ce salon t'a intéressé et qui t'a amené à t'y investir jusqu'à en être aujourd'hui justement complètement moteur finalement aussi en tant aussi que salarié? Alors, quand j'ai commencé bénévole à Tatou Juste, pour tout vous dire, c'est j'étais en pleine restructuration professionnelle, dirons-nous, et je me cherchais comme beaucoup de personnes, et je voulais vraiment avoir un travail trouver un travail qui a du sens, être utile pour la société, et puis moi, l'environnement, l'écologie a une place très très importante dans ma vie. Donc voilà, je cherchais une association qui pouvait un petit peu m'ouvrir mon champ d'action dessus, mes réflexions. Et le salon, pour le coup, nous apporte tout ça, parce qu'on a énormément d'associations qui viennent sur le salon, qui sont représentées sur le salon, des producteurs locaux, des artisans locaux, des nouvelles initiatives. On voit des projets qui émergent, des coopérations qui naissent. Et c'est très, très enrichissant. Et c'est pour ça que je me suis vraiment plu à Tatou. Puis maintenant, ça fait très longtemps que j'y suis. Donc, voilà. Et les visiteurs ressentent aussi ça en venant sur le salon, c'est agréable. Ouais. Alors le salon, c'est un salon justement, même s'il n'apparaît pas là, en tout cas aujourd'hui dans la communication même de l'événement, c'est le rendez-vous de la transition écologique. Est-ce qu'il y avait une envie de se détacher justement de cette forme que serait en effet le salon et les salons comme on en voit un peu partout, sont plutôt une invitation à, ou en tout cas sont plutôt inscrits dans un registre plutôt commercial en effet, hein, quand même. Ce qui est un petit peu le cas de Tatou Juste, mais pas complètement. Alors comment vous faites avec un petit peu cette parfois cette situation à la radio? Non, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'explications. Le terme salon n'est pas très agréable, mais il permet aussi, quand on parle de salon aujourd'hui, les gens comprennent tout de suite aussi ce que c'est. Mais effectivement, alors nous, on a une partie commerciale, bien sûr. Nos exposants viennent pour la plupart, pas tous, mais viennent pour la plupart vendre quelque chose. Alors pour le coup, c'est une date aussi qui tombe bien. On est à un mois de Noël, donc voilà, tout le monde y trouve son compte, c'est très bien. Mais on est aussi et surtout un lieu où l'on va pouvoir trouver de nouvelles solutions, partager, s'interroger sur des modes de production, échanger avec les exposants aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner quand on ne connaît pas le salon Tatou Juste. Sur le salon, alors on peut largement y passer la journée entière, c'est qu'il y a un échange énorme entre les visiteurs et les exposants. Les visiteurs prennent le temps sur les stands de questionner les exposants sur leur façon de produire, les matériaux utilisés, leur démarche en général. Et ça, c'est vraiment ce qui fait l'essence du salon.

réparation, les réparations. La réparation, oui, si je peux dire un tout petit mot sur... On a créé une petite zone qui s'appelle Bricole-Tout à Tatou et quatre structures vont se relayer durant tout le week-end, notamment des Repair Café, où voilà, sur inscription, on peut venir avec son grille-pain pour apprendre à le réparer. C'est vraiment pas eux qui le réparent, hein, c'est vous. Ils vous donnent les clés justement pour apprendre à le réparer. On a également l'association... Ouf et la bricoleuse qui vont proposer une fabrication d'une étagère en macramé et puis un atelier couture. Enfin voilà, il y aura beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller voir notre programme. Tout est expliqué dessus. Absolument. Et tatoujuste.org, tout accroché en minuscule pour Absolument. Aussi les infos en ligne et le tout en détail. Alors, c'est aussi bien un temps hors les murs, hors du Parc Expo et de ce week-end des 23-24. Et on le disait tout à l'heure, soirée de pré-ouverture qui se passera le jeudi 21 novembre. Une soirée projection ciné-débat qui va se passer au Méliès Saint-François. Et alors juste, on va en écouter un extrait, présentation en tout cas de lancement de ce projet, ce travail, cette enquête autour des microbes. Qu'a lancé Marie-Monique Robin, que l'on connaît aussi très bien. Mais bref, on écoute et on en reparle juste après. Bienvenue dans le musée des microbes d'Amsterdam, qui est unique au monde. C'est ici que je vais débuter mon prochain film, Vive les microbes, qui est la suite de La fabrique des pandémies. Les microbes sont indispensables à la vie. Bien sûr, il y en a qui peuvent être très dangereux pour notre santé, comme certains virus ou bactéries. Mais si nous avons plein de bons microbes dans notre organisme, nous pouvons mieux nous défendre contre eux. La majorité des microbes ne sont pas nos ennemis, ce sont nos alliés. On estime que dans l'intestin d'un adulte en bonne santé vivent plus de 100 000 milliards de microbes qui constituent notre microbiote. Ces bactéries, virus ou parasites contribuent au bon fonctionnement de notre système digestif et immunitaire. Malheureusement, avec la malbouffe, la destruction de la nature, l'hyperhygiénisme, la bétonisation, la diversité des microbes dans notre microbiote s'est effondrée. Du coup, notre système immunitaire s'est affaibli et il y a de plus en plus de maladies chroniques, comme les allergies, l'asthme, le diabète, l'obésité ou la maladie de Crohn, qui nous rendent aussi plus vulnérables quand un méchant virus fait irruption. Les scientifiques ont montré que tout se joue dans la toute petite enfance, très exactement entre 0 et 2 ans. Dans Vive les microbes, vous découvrirez que les enfants qui sont nés dans des fermes traditionnelles de Franche-Comté, où les vaches mangent de l'herbe et du foin et où le lait n'est pas pasteurisé, eh bien ces enfants n'ont pas d'allergie ni d'asthme. Vous comprendrez aussi pourquoi l'agriculture biologique pratiquée par les Amish des États-Unis met à l'abri des excès inflammatoires. Ou pourquoi en Afrique, l'exposition précoce à des vers intestinaux renforce le système immunitaire. Voilà, extrait de présentation, ouais. Lancement donc de ce projet Vive les microbes, qu'elle a lancé il y a déjà quelques temps, bien sûr, un travail d'enquête. Après de nombreux autres, hein, on la connaît pour son travail autour de Monsanto, de Roundup, également différents ouvrages. Et puis La fabrique des pandémies en 2021, on sortait du Covid, de la Covid. Et bien voilà, c'est un peu la suite là, et elle s'interroge donc sur l'explosion des allergies et des problèmes d'asthme que vit la population de façon imposante, hein, puisqu'on est passé de 5% des années 70 à près de 35% aujourd'hui, et ça va exploser encore d'ici les décennies prochaine. Donc elle a réalisé un documentaire. C'est ça. Qui a été diffusé en octobre sur Arte. Absolument. Elle accompagne aussi la sortie de ce documentaire d'un livre, d'un ouvrage qui va paraître aux éditions La Découverte. Absolument. Et Arte Éditions. Et elle sera donc présente. Non, oui, on aura le plaisir de l'accueillir. Mais vraiment, c'est un plaisir énorme. C'est une personne très, très intéressante et compétente en la matière. Et qui a une façon de vulgariser les choses assez simplement. C'est voilà, pour Vive les microbes, c'est toute une série d'études scientifiques qu'elle a. Voilà, elle a fait un mix, elle a tout résumé pour que ce soit vraiment compréhensible pour nous qui n'avons pas forcément les billes en main pour comprendre tout ça. C'est très très intéressant. Moi personnellement, quand j'ai vu le sujet, quand j'ai vu les extraits, tout de suite j'ai été emballée par cette proposition parce que c'est vraiment un documentaire extraordinaire et qui met en évidence vraiment ce que nous on veut montrer au Salon Tatoujuste, voilà, qu'il faut apprendre à vivre avec la nature, préserver la biodiversité, c'est une question de santé publique aujourd'hui. Et voilà. Voilà, donc ça c'est en sa présence. Marie-Monique Robin sera présente, en effet, présente pour cette soirée Ciné-Débat le 21 novembre à 20h30 au Méliès Saint-François. Et alors justement, d'autres invités, mais on va aller très vite parce qu'il y a des tables rondes et il y a des tables rondes radiophoniques. Donc on aura l'occasion aussi de le rappeler et puis vous verrez tout cela dans le programme en détail tout au long de ces journées de samedi et dimanche, mais aussi des conférences que l'on va aussi accueillir sur notre plateau radio, puisqu'on a un espace radio au sein de Tatou Juste désormais, en direct tout le week-end de ce week-end Tatou Juste avec nos collègues de Radio Ondaine. Mm-hmm. Donc des tables rondes sur différents sujets, des interviews auprès de conférenciers, conférencières que vous avez aussi sélectionnés et qui vont être présents. On travaille aujourd'hui avec des maisons d'édition et on a la chance de pouvoir accueillir des conférenciers très très compétents et intéressants. Cette année, nous proposons 5 conférences et la diffusion d'un documentaire. Je vais citer très très rapidement les conférences. Claire Dutray qui sera présente samedi matin pour Vivre en arsenic, qui va aborder la thématique de la pollution des sols avec un exemple très concret en France près de Carcassonne, des sols qui sont pollués depuis très longtemps et qui continuent à déverser les poisons. Nous aurons également la thématique des funérailles écologiques. Alors ça c'est une thématique qui nous tenait à cœur parce qu'on n'en parle pas souvent, on n'ose pas forcément en parler, et Brigitte Lapouge Desjans a sorti un livre très intéressant et pratico-pratique, comment organiser ses funérailles de façon écologique. Elle prend en revue tous les sujets précis, et je vous le conseille fortement. Nous aurons le samedi également la présence de Baptiste Milondo, qui est un militant de la décroissance et professeur également, qui enseigne les sciences sociales et la philosophie, qui est local. Il enseigne sur Lyon et sur Saint-Étienne également. Et là, on va parler des salaires. Voilà, là, c'est un sujet un peu différent de ce qu'on aborde habituellement sur le salon. Qu'est-ce que les salaires disent de nous, comment lutter contre les inégalités de rémunération, les injustices salariales, et pourquoi pas parler de salaire inconditionnel, universel. Donc voilà, une thématique très intéressante. Le dimanche, nous aurons le manuel de riposte écologique écrit par Jérémy Bismuth, qui lui est créateur d'une web-série Les Amis des Lobbies, je vous le conseille fortement. Et là, il va nous donner les clés pour pouvoir justement, lors de réunions de famille par exemple, pouvoir avoir des arguments pour contrer les climato-sceptiques. Donc c'est très très intéressant et surtout avec beaucoup d'humour, il a abordé ça de façon très sympathique. Dimanche après-midi, nous aurons Jean-Luc Delpont qui viendra nous parler du confort d'été dans l'habitat. Il a coécrit ce livre pour pouvoir enseigner comment se passer d'une climatisation. Voilà, pour faire simple, là on va parler plutôt chaleur de l'été. C'est une personne qui est locale aussi. Il est de la Versagne. Il a construit sa maison lui-même et puis il est professionnel du bâtiment. Donc ça sera vraiment très intéressant. L'habitat est toujours aussi au cœur de nos sujets de prédilection. Ouais. Et puis un dernier temps, je crois, là c'est autour d'un film documentaire, on revient absolument un peu aussi sur ce support-là. Hein. La plupart des invités conférenciers, conférencières sont aussi sélectionnés à partir d'ouvrages que vous avez pu découvrir. Et là c'est un film documentaire, mais issu d'un collectif que l'on connaît, puisque vous aviez accueilli Camille Etienne l'année dernière. Absolument. Camille Etienne qui a créé Avant l'orage, et ils diffusent ils ont réalisé ce film documentaire avec Solal Moissan, son réalisateur, pour parler des PFAS, les polluants éternels, ou plus simplement le téflon et toute la pollution qu'elle engendre. C'est un documentaire qui se passe pas loin de chez nous, sur l'usine d'Arkema à Lyon. C'est pour ça qu'on a vraiment tenu à présenter ce documentaire, et il sera suivi d'un échange avec l'association Génération Future, qui sera présent sur le salon et qui a mené à bien justement les combats juridiques sur Lyon pour la pollution de l'eau. C'est pas seulement une pollution de l'eau, mais c'est une pollution des êtres vivants, des hommes et des femmes et des enfants qui vivent sur place. C'est un drame. Ouais, des usagers et aussi des fabricants d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de témoignages de personnes qui ont aussi travaillé. Donc voilà, sujet on ne peut plus d'actualité avec ces polluants éternels. Absolument. Les PFAS, comment les industriels nous empoisonnent. Voilà, film documentaire et donc rencontre interview également prévue. Absolument. Merci beaucoup Raphaël, le programme forcément est très chargé, ouais, le temps est aussi restreint, mais on aura l'occasion de réannoncer bien sûr ces rendez-vous d'ici ces 23 et 24 novembre prochain, Parc Expo à Saint-Etienne. Plus d'infos, on vous le rappelle, tatoujuste.org. Merci encore. Merci à vous de m'avoir reçu. En vous souhaitant à toute l'équipe courage, donc d'ici ouverture impatiente de ce Tatou Juste, rendez-vous de la transition écologique 19e édition 2024. On vous donne rendez-vous à partir de 10h, le 23. Absolument. Merci encore. On va terminer en musique très rapidement, en guise de générique de fin, avec une proposition et un rendez-vous prévu cette fin de semaine. C'est la fête de la comète ce week-end. C'est 14, 15, 16, 17 novembre. La comète Cartier, bien sûr, tarentaise, avec plein d'animations prévues tout au long de cette fin de semaine et de ce week-end. Et notamment avec le Solar, la salle de jazz associé qui propose différents rendez-vous dans ce cadre-là, dans le cadre de cette fête de la comète, avec la Fabrique musicale de Saint-Etienne jeudi, avec Nanan, le spectacle jeune public par Lydie Dupuis et la compagnie Idylle ce dimanche 17 novembre, et puis Laurent Dehors Quintet qui est invité samedi 16 novembre. Alors justement, l'occasion de vous présenter cet artiste-là qui est accompagné cette nouvelle proposition musicale de quatre musiciens de son big band. Et bien, ce sera l'occasion de le découvrir, avec sa façon à lui d'explorer aussi les rythmes et cette musique assez inédite. Je vous en propose un extrait, Les Sons de la Vie, issu de son dernier album, précisément Disco, pour terminer. Et c'est un concert partenaire et nous avons tout simplement des places à vous proposer. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Au bout du clic, un petit mail à redac@radiodo.org pour ce Laurent Dehors Quintet au Solar, donc dans le cadre de la fête de la comète, ce samedi 16 novembre. On se retrouve jeudi, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien, tout bon chez vous. Ciao, bye.